Chapitre 12e, chassé. Le locataire de Sir Gaspard ne parut pas dans la salle à manger le matin de Noël. Son domestique apporta un message d'excuse au baronnet, un vague message n'alléguant nulle raison particulière pour l'absence de son maître. Mais le languissant châtelain de Scarsdale laissait une parfaite liberté à ses hôtes et ils n'étaient pas assez curieux pour s'inquiéter du motif qui leur faisait faire une chose ou une autre. L'éblouissante veuve n'était pas tout à fait aussi brillante ce matin-là qu'à l'ordinaire. Une délicate pâleur, comme un ton un peu crayeux dans une vive aurore, avait remplacé les roses qui d'ordinaire brillaient sur ses joues potelées. L'éclat de ses yeux n'était dû qu'à un peu de fièvre, et ses lèvres rouges paraissaient sèches et tremblaient de temps à autre. Sir Gaspard la regardait comme il aurait regardé un de ses tableaux, dont la couleur aurait laissé voir quelques symptômes de décadence, sans pouvoir s'empêcher de faire quelques légères réflexions en regardant les traits altérés de son hôte. « Ces abominables chanteurs de Noël vous ont tenu éveillés la moitié de la nuit, je pense, » murmura-t-il avec un air de compassion. « J'imagine que c'était une demi-douzaine de rustous, tout ce qui est de plus imbécile qui hurlait. Que Dieu vous protège, joyeux gentilshomme, que rien ne vous trouble. » Quand leur propre chant a été assez affreux, pour réveiller les sept dormeurs et terrifier les oreilles peu cultivées d'un indien Ojibwe. On dirait que vous avez été poursuivi toute la nuit par le souvenir de leurs hurlements. » Madame Harding sourit d'un pâle sourire. « Vous avez tout à fait raison, Sir Gaspard, » dit-elle. « En ce qui concerne mon insomnie, mes torts pour la cause qui l'a produite. J'avais oublié les chanteurs de Noël. En vérité, j'aime entendre cette vieille poésie sous les fenêtres d'une maison comme celle-ci. Je me crois en imagination revenu au temps des cavaliers, et au son de cette bizarre invocation, je m'entends presque me réveiller dans un des intérieurs de M. Horsley. Non, j'aurais pardonné aux villageois qui chantaient sur la terrasse d'être un peu incertains dans quel ton ils étaient, et je crois que je me serais endormi pour rêver à quelques fantômes de femmes dans une étroite robe de brocart, si je n'avais été prise d'un terrible accès de mon ancien ennemi, la névralgie, qui m'a torturé toute la nuit et réellement. Je me sens si fatigué, si alourdi ce matin, que je dois vous prier de m'excuser de ne pouvoir me rendre à votre chère petite église de village, dont je vois de ma fenêtre le clocher apparaître au milieu de cette percée de bois sans feuillage, tout à fait comme dans quelque délicieuse toile de M. Creswick. Ainsi, avec votre permission, cher Marcia, je lirai l'office de Noël dans ma chambre ou dans un de vos confortables fauteuils près du feu du salon. » Le baronnet et sa fille s'intéressèrent poliment aux détails de l'affection névralgique de la veuve. « J'espère que cette femme ne va pas nous assommer avec sa maladie, » pensa Sir Gaspard après avoir murmuré les quelques paroles de compassion indiquées par la circonstance. « Car une charmante veuve est une chose, mais une veuve avec une névralgie en est une autre. » Il y a un manque de ton sur sa joue gauche ce matin, et son sourcil noir est décidément dessiné trop haut. La toilette n'a pas été faite consciencieusement, et je me sens blessé du peu de soin qu'elle y a apporté. Si elle a l'intention de ne faire une aussi longue visite que ses mâles et ses caisses à chapeau semblent l'indiquer, elle doit supprimer ses crises névralgiques et rehausser un peu les teintes de la carnation de sa chair. Je n'ai sur mes murs aucune toile aussi crue et aussi froide que la figure de ma visiteuse ce matin. « Et si vous preniez un peu de chlorodine ?» murmura Marcia. « Avec un chaud glacis sur la joue gauche ?» marmotta Sir Gaspard avec distraction. « J'essaierai tout ce que vous m'indiquerez, ma très chère Marcia, » répondit la veuve, « car réellement j'ai beaucoup souffert la nuit dernière. Cependant, je me sens un peu mieux ce matin, et j'espère qu'après quelques heures de complet repos, je redeviendrai tout à fait moi-même et sur un état de jouir de la société ce soir. » Marcia se retira pour s'habiller pour se rendre à l'église, et Madame Harding laissa Sir Gaspard près du feu de la salle à manger avec ses journaux. Elle monta à sa chambre, mais au lieu de se reposer comme elle avait dit qu'elle allait le faire, elle parcourut cette énorme pièce d'un bout à l'autre, s'arrêtant de temps en temps pour regarder sa figure dans la glace. C'était un visage inquiet et soucieux qu'elle voyait en face d'elle, très hagard, en dépit des moyens artificiels qu'on avait employés pour le rendre beau. Et la veuve, en le regardant avec colère, en fronçant les sourcils d'un air sombre, ne faisait que le rendre encore plus hagard. « Combien je parais misérable, » murmura-t-elle, « quand tant de choses peuvent dépendre de mes charmes. Qu'ai-je dans le monde si ce n'est ma beauté? Et si elle se flétrit, quelle espérance y a-t-il que je puisse jamais remettre le pied dans le seul monde où je sois digne de vivre? Oh, combien je déteste cet autre monde, ce réceptacle de mensonges et de bassesse, où toutes les femmes sont de vulgaires parodies de moi-même, où tous les hommes sont égoïstes, faux, cruels, et ce qu'on lise en lâche. Tout cela me semblait si brillant autrefois, que j'ai cru que c'était quelque chose d'en être la reine. Mais maintenant je le connais, et je sais ce que valent ses plus grands privilèges. » On frappa un joli petit coup à la porte, pendant que la veuve se regardait ainsi tristement devant sa glace, et lorsqu'elle l'ouvrit, la gentille Dorothée se présenta devant elle, radieuse, sous son chapeau de velours à ruban bleu et tenant une petite bouteille à la main. « Pardon, madame, mademoiselle Marcia m'a dit de vous apporter cela. Du chlorure de chaux, m'a-t-elle dit. J'imagine que le chlore... Oh mon Dieu, que je suis stupide, soyez si bonne pour en essayer, » a dit mademoiselle Marcia. Dorothée était tout essoufflée tant elle était accourue à la hâte de la porte du parc où Thursgood, le régisseur, l'avait déposée en la ramenant dans la charrette qui contenait sa jeune famille pour revenir de la petite chapelle catholique romaine de Castleford. Pendant que Dorothée tendait la chlorodine à la visiteuse de Sir Gaspard, quelque chose dans les yeux noirs de la veuve lui fit éprouver un singulier frémissement. Pourquoi en était-il ainsi ? Elle était beaucoup trop effarouchée pour se le demander en ce moment. Mais l'image d'une personne qui l'avait poursuivie dans ces derniers temps et qui avait flotté paresseusement dans son esprit toute la matinée prenait en cet instant une vie plus grande et brillait devant elle, distincte et palpable comme la réalité. Si cette drogue peut faire quelque chose à mes nerfs ébranlés, je remercierai celui qui l'a inventé, murmura la veuve en versant quelques gouttes de la fiole de Marcia. Elle alla ensuite à l'une des croisées et y resta jusqu'à ce qu'elle vît mademoiselle Denison entrer vivement dans un des sentiers sinueux qui menaient à l'église. Alors elle revint à la glace et se regarda encore, examinant la figure qui s'y réfléchissait avec une attention pensive. Après cet examen fait à loisir, madame Harding prit un rituel richement relié. Parmi les innombrables et élégants objets qu'elle avait éparpillés dans les pièces qui lui étaient réservées, et descendit le grand escalier. Elle ne rencontra personne sur son chemin jusqu'au vestibule, quoiqu'elle s'arrêta çà et là sur l'escalier pour regarder, soit par la croisée, soit pour examiner un tableau, et qu'elle traversa le long corridor menant au salon d'un pas languissant. La jolie pièce au rideau jaune était tout à fait vide quand elle y entra. Mais un magnifique feu, un vrai feu de Noël, brûlait dans une grille basse et se reflétait dans la faïence gothique aux diverses couleurs et dans les fantastiques ornements du garde-feu en acier. Madame Harding s'enfonça dans un fauteuil bas, un lit parfait, tout tapissé de duvet et de satin jaune damassé. Un fauteuil dans lequel on aurait passé toute sa vie à paresser, en lisant de rêves idylles, dans les intervalles d'une longue suite de petits sommes. Un fauteuil dont l'influence énervante étouffait la voix de l'ambition et faisait taire les murmures d'une conscience timorée. Un fauteuil qui aurait transformé un Napoléon en paresseux rêveur et rendu un John Howard, un sybarite égoïste. Peut-être n'y avait-il jamais eu une plus jolie petite étude de couleurs et un plus charmant tableau de boudoir que la ravissante veuve, assise dans ce fauteuil, paresseusement enveloppée d'une robe de chambre de soie pourpre piquée, dont les plis volumineux laissaient apercevoir deux pieds mignons avec des coups de pied cambrés, dignes d'appartenir à la comtesse andalouse d'Alfred de Musset, pieds qui étaient chaussés de bas de soie gris et de pantoufles d'un bronze brillant avec de hauts talons, ornés avec une négligente coquetterie, à l'aide de l'une desquelles un peintre aurait reproduit l'image d'une charmante débardeuse marchant légèrement en revenant d'un bal masqué. Aussi facilement qu'un naturaliste reconstruit ses mammouths antédiluviens avec un fragment d'os retrouvé par hasard dans les entrailles de la terre. Mais quelque beaux que fussent les accessoires du tableau, il y avait quelque chose qui manquait à sa perfection. Ce quelque chose, c'était l'âme du sujet. L'attitude était parfaite, l'arrière-plan sans défaut, mais l'expression du repos n'y était point. La tête de Madame Harding reposait sur un coussin jaune bouffant, dans l'abandon d'une langueur toute féminine. Mais les yeux de Madame Harding erraient constamment de la porte au feu et du feu à la porte. Ce fut seulement lorsque le bruit des pas se fit entendre dans le corridor que ses longs cils soyeux s'abaissèrent nonchalamment sur ses splendides yeux noirs et que ses lèvres rouges s'entr'ouvrirent comme les lèvres d'un enfant endormi. Rien ne pouvait mieux rentrer dans l'art de la mise en scène que le petit mouvement de plaisir et de surprise avec lequel Madame Harding sortit de ce sommeil simulé à l'entrée de la personne dont les pas s'étaient fait entendre dans le corridor. Cette personne était George Bransford. Il ferma la porte derrière lui, inclina la tête devant la veuve avec une gravité imposante et marcha droit à l'angle de la cheminée opposé à celui où elle était assise. Sa démarche n'eût pas été plus cérémonieuse s'il eût approché d'une étrangère, ou pour mieux dire, s'il ne l'eût pas été autant. Il y a une certaine cérémonie qu'un gentleman affecte seulement quand il rencontre un ennemi. Un noble français de la vieille roche, rencontrant son antagoniste par une matinée pleine de rosée dans le bois, au-delà de la barrière de l'étoile, doit se présenter comme le locataire de Sir Gaspard, le fils, ce jour-là. « Bonjour, Madame Harding, » dit-il, gardant toujours la même froideur. « Je crois que c'est sous ce nom que vous désirez être connu. S'il vous plaît. » C'est un nom sans aucune prétention. La veuve gardait son attitude de complet repos, et il y avait une extrême langueur si bien jouée dans l'expression de toute sa personne qu'elle aurait pu tromper quelqu'un qui ne l'eût pas vue 5 minutes auparavant. J'ai pensé que le mieux était de vous voir avant de quitter la maison, et je suis heureux de trouver cette occasion de vous parler, dit Bransford très gravement. Vous allez donc quitter l'abbaye? Vous ne pouvez pas vous imaginer que je puisse y rester. « Je souhaite partir sans esclandre, s'il est possible. Je n'ai point besoin de vous dire combien j'étais surpris en vous rencontrant hier. »« Désagréablement surpris, je suppose ?» demanda la veuve. Il y avait quelque chose de dur sur ses belles lèvres, et un éclat sombre dans ses beaux yeux pendant son entrevue avec le locataire de Sir Gaspard, qui donnait presque à sa beauté un caractère diabolique. Il y avait dans un des coins du salon une légère esquisse de Judith, peinte par Etty, et la sombre tension de la figure de ce tableau était moins terrible que l'expression révélée sous le blanc perle de Madame Harding. « Très désagréablement, » répondit Bransford. « Le seuil de cette maison est le premier que j'ai franchi depuis 15 ans comme ami et comme hôte. J'ai pesé toutes les probabilités qu'il pouvait y avoir, que je rencontrasse ou ne rencontrasse pas, quelqu'un me connaissant et sachant ma malheureuse histoire. » Et dans les circonstances particulières où se trouve cette famille, je me croyais en sûreté. De toutes les créatures qui ont jamais existé sur cette terre, vous êtes la personne que je me serais le moins attendu à rencontrer sous ce toit. En vérité, et pourquoi? Aucune parole ne peut exprimer la somme de provocations calmes que Madame Harding parvint à mettre dans la prononciation de ces 4 syllabes insignifiantes. Une femme est une femme qui a été accoutumée au luxe tout féminin d'avoir quelques créatures du genre mari à tourmenter, peut seule être ainsi passée maîtresse en élocution malicieuse. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que par une promesse, vous vous êtes engagé à ne pas revenir dans ce pays. J'ai tenu cette promesse fidèlement pendant 15 ans. Lorsque j'ai entendu parler de vous, on disait que vous voyagez toujours et que vous étiez tantôt dans l'Amérique du Sud, tantôt dans les déserts de l'Afrique. La mort de ma sœur m'a laissé très solitaire. La mort de votre sœur, s'écria le locataire de Sir Gaspard, avec quelque chose qui ressemblait presque à un gémissement. Dieu vous assiste, Caroline. Vous auriez pu être une femme toute différente si cette sœur était morte au berceau. Madame Harding leva la tête tout à coup et quitta son attitude de langueur affectée. Elle regarda Bransford. Elle avait dans les yeux une lueur féroce qui n'y avait pas encore brillé. « Ma sœur n'a rien à faire avec mes fautes, » dit-elle. « Je puis bien supporter le poids moi-même. »« Mais sans l'influence de votre sœur, je crois que vous n'auriez jamais été coupable. Je pense que votre nature et celle de votre frère étaient d'un genre plastique. trop faible pour marcher sans aide dans le sentier de la vertu, et pas assez forte pour entrer seule dans le vice. Vous avez suivi la voie où on vous a mené, et vous avez trouvé les deux personnes qui ont comploté pour vous conduire à votre perte. Votre sœur, Léonora Fane, était l'une d'elles. Vous feriez mieux de laisser le nom de ma sœur en dehors de la question. Je ne souhaite pas l'entendre. Dieu sait combien je souhaite peu le prononcer. Le passé est le passé. J'ai essayé pendant 15 ans d'enterrer le cadavre de ma jeunesse détruite, et je n'ai pas trouvé de tombeau assez profond pour contenir cette horrible chose. Son fantôme me suit partout où je vais, et maintenant, Madame Harding, j'ai quelque droit à savoir quand vous avez l'intention de quitter cette maison. Pourquoi la quitterais-je? Simplement parce que vous n'auriez jamais dû y entrer. Vous n'avez pas le droit de dormir sous le même toit que Marcel Denison. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir à la même table. Ô Dieu du ciel! S'écria le locataire de l'ermitage avec un soudain éclat de colère qui paraissait d'autant plus terrible que ses manières jusque-là avaient été très froides. J'ai vu que vous l'avez embrassé hier soir, et mon imagination est retournée à la soirée d'été où, il y a 15 ans, vous embrassiez ainsi votre enfant en le remettant dans les bras de sa nourrice. Je ne pense pas que vous puissiez avoir oublié cette soirée, Caroline. Je priais jadis pour que ce souvenir pût vous hanter à votre lit de mort. La veuve regardait le locataire de Sir Gaspard avec des yeux scrutateurs et pénétrants pendant qu'il parlait, et lut comme un éclair de triomphe dans ses beaux globes noirs. « Vous paraissez très désireux qu'aucune chose souillée n'approche de la pureté de Mademoiselle Denison, » dit-elle avec un sourire moqueur. « Et cependant, je ne vois pas pourquoi vous êtes arrivé à vous intéresser si fort à cette jeune personne. « Je m'intéresse à la cause de la vérité contre celle du mensonge, » répondit sévèrement Pensford. « Dites à ces gens-là qui vous êtes et ce que vous êtes. Faites-leur connaître vos antécédents. Mettez-vous à leur merci. Et alors, s'il leur plaît de vous recevoir, je me tiendrai à l'écart et ne dirai rien. Si dans tout l'univers, vous pouviez trouver une créature assez généreuse pour vous prendre par la main, connaissant ce que vous êtes, Dieu me pardonne, si je me mettrais entre vous et la main qui vous tendrait. Mais je ne veux pas vous aider dans un mensonge. Je ne veux pas vous voir tranquillement vous glisser dans la maison hospitalière d'un gentleman avec un masque sur le visage. Dans ce cas, vous n'avez rien de mieux à faire que de raconter mon histoire à Sir Gaspard Denison. Naturellement, il répétera la partie essentielle de votre révélation à sa fille, et je recevrai un congé poli. Ah, monsieur Pounceforth, je ne pense pas que vous preniez la peine de dire à Mademoiselle Marcia Denison qui je suis et ce que je suis. Pourquoi ne le ferais-je point? Je ne puis vous en donner la raison. Vous vous souvenez de ce que Maître Jacques réplique à Harpagon? Je le crois parce que je le crois. Je ne puis que vous faire la même réponse. Vous ne le ferez pas parce que vous ne le ferez pas. » La veuve commençait à reprendre un peu de sa vivacité habituelle. Elle prit le couteau à papier de Marcia sur une table qui était à côté d'elle et commença à couper un journal illustré, un numéro de Noël, avec de brillantes images qui, en prêtant au ridicule, devaient amuser le baronnet voltairien. En la regardant assise en face de lui, l'imagination de George revenait à cette soirée d'automne où, pour la première fois, il était entré dans cette maison. Cette soirée, il avait contemplé Marcia assise à la même place à la faible lueur du feu, tenant le même coupe-papier à la main. 3 mois seulement se sont écoulés depuis cette soirée, pensait le locataire de Sir Gaspard, et cependant il me semble que je l'ai connu la plus grande partie de mon existence. Il resta silencieux pendant quelques minutes, puis il dit gravement : J'ai le droit d'espérer que vous tiendrez votre promesse. J'ai voulu que vous soyez riche, pour qu'au moins vous fussiez hors des atteintes d'aucune tentation sordide. Je ne vous menacerai pas maintenant de réduire votre pension ou de vous la retirer, mais je vous dirai franchement que je ne souffrirai pas que vous restiez comme invité dans cette maison et la compagne de Mademoiselle Denison. Alors vous leur direz tout. Une faible rougeur colora la figure de Pounceforth et se dissipa avant qu'il répondît à cette question. « Je prendrai mon temps pour y penser, » répondit-il. « Je vous dirai seulement qu'à moins que vous ne quittiez cette maison de votre propre volonté et très promptement, je ferai tout ce que je pourrai pour rendre votre départ inévitable. Lorsque le moment inévitable arrivera, je m'en irai. En attendant, je suis leur hôte et j'ai l'intention de rester. Caroline, s'écria le locataire de Sir Gaspard, en la regardant avec une expression à moitié de pitié et à moitié de reproche. Je ne pensais pas qu'il était en vous de devenir si audacieuse dans le mal. 15 ans, c'est un long espace de temps, répondit Madame Harding. Vous chassez une femme du monde où les honnêtes vivent, puis vous vous étonnez qu'elle soit devenue plus mauvaise qu'au moment où vous l'en avez chassée. 15 années auraient pu racheter en partie le passé, si vous les aviez employées comme vous l'auriez dû. Mais je vous le dis encore, Caroline, votre malheur a été d'être entraînée par la pire conseillère qui ait jamais murmuré de mauvaises inspirations à l'oreille d'une femme. Elle est morte, et j'ai essayé de moins mal penser d'elle, et même de n'y pas penser du tout. Puisse Dieu avoir pour ses fautes la compassion que je ne puis éprouver. J'ai souvent entendu parler de vous et de Madame Fane pendant mon triste exil, et j'ai entendu raconter des détails sur l'espèce de vie que vous meniez et sur les gens que vous aviez choisis pour en faire votre société. Mais je n'en dirai pas davantage. Je ne souhaite nullement me mêler à votre vie, excepté pour protéger des amis que je respecte. Je réclame le droit d'appeler les personnes qui demeurent dans cette maison mes amis, et tout ce qu'un gentleman doit faire pour servir ses amis, je le ferai pour eux. Une ombre passa entre George et la lumière pendant qu'il disait ces paroles, et levant la tête, il vit Marcia passer devant la fenêtre qui était en face de lui. Il inclina gravement la tête devant Madame Harding, exactement comme il l'avait fait en arrivant, et quitta la chambre. Il traversa rapidement le corridor, mais au bout il rencontra Marcia qui lui parut une charmante et brillante jeune fille avec son simple chapeau d'hiver et toute l'humidité de l'atmosphère du dehors pendant un petit glaçon sur ses vêtements. Le locataire de Sir Gaspard passa devant elle en souriant et en la saluant, et alla droit à son propre appartement, où il passa quelque temps à élaborer la lettre adressée à son hôte. Lorsqu'il eut plié et cacheté sa lettre, il sonna son domestique. « Je quitte l'abbaye ce matin, Millward, » dit-il. « Je me trouve tout à fait incapable de supporter l'agitation de la société. Vous ferez mon porte-manteau et me suivrez. Mais avant de vous en occuper, vous donnerez cette lettre à Sir Gaspard Denison. Oui, monsieur. » En vrai domestique, Millward n'exprima nul étonnement à ce subit changement dans les projets de son maître. Il servait celui qui s'appelait George Pounceford depuis 6 ou 7 ans, et il avait perdu l'habitude de s'étonner durant cette longue expérience des caprices de ce maussade voyageur. Ce brusque départ de l'abbaye de Scarsdale était une preuve de plus de cette nature irritable qui s'imaginait vainement trouver quelque repos dans l'agitation et le mouvement. Le valet aida Pounceford à mettre son paletot, le suivit dans le vestibule, lui ouvrit la porte, puis retourna tranquillement à la chambre bleue pour empaqueter les objets qu'il avait rangés la veille dans des tiroirs parfumés de lavande. Et c'est ainsi que le locataire de Sir Gaspard, le jour qui, dans les familles heureuses, est une fête si brillante, quitta l'abbaye de Scarsdale pour retourner à un foyer éteint, un abri vide, pour dîner avec une épaule de mouton mal assaisonnée, mangée près d'un feu à moitié enterré sous des bûches vertes, qui sifflait en brûlant. « Chassé par elle !» pensait l'ermite en remplissant sa pipe. « Je crois que ce qui arrive aujourd'hui est la moralité de ma propre vie. Chassé par elle !»